On va aujourd'hui s'adresser à l'économiste indépendant Yannick Marcel, invité de plus en plus à commenter des événements dans les grands médias, comme à Radio-Canada. Il a notamment commenté les élections à l'émission Calcul électoral et le Club Écono, animé par Gérald Filion à Radio-Canada. Et il commente régulièrement l'actualité, notamment sur le Huffington Post, le Journal de Montréal, l'itinéraire et d'autres. Puis il a bien sûr son blog. Donc aujourd'hui, il nous présente sa chronique sur les utopies concrètes, une chronique qui vise à expliquer les phénomènes économiques, politiques et sociaux complexes que nous traversons aujourd'hui, en ce début du 21e siècle. Et son but, c'est de ramener ces enjeux-là à l'échelle humaine, à notre échelle. Donc, expliquer à travers un phénomène précis comment chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, on est interreliés et on peut apporter des solutions concrètes dans la vie de tous les jours. Monsieur Marcel est-il en onde? Oui, je suis là, oui. Bonjour Monsieur Marcel. Bonjour. Que pensez-vous de cette présentation? C'est bien? Ça vous va? Ah, c'est parfait. Vous êtes à l'aise avec ça? Vous m'avez un peu déstabilisé avec votre morue, mais ça va. Surtout le sextoy, hein? Bon, alors, Monsieur Marcel va aborder aujourd'hui le thème de l'ère du post-pétrole. C'est bien oui, ça? Oui, exactement. Donc, je vous laisse nous présenter ce thème-là. Pourquoi ce thème-là dans le cadre des utopies concrètes? Ben, écoutez, depuis le début de cette saisie de chronique, de réflexion, on essaie de voir comment des enjeux majeurs nous touchent, qu'est-ce qu'on peut apporter ou on peut faire pour y remédier en quelque sorte lorsqu'il y a un problème. Et probablement que le pétrole, c'est l'ultime problème. Pourquoi? Parce que à peu près tout ce qu'on consomme, toute l'activité matérielle, toute la vie matérielle et économique, intervenir le pétrole en quelque part dans la chaîne de production. Même si vous allez chez le coiffeur, par exemple, à couper des cheveux, cette personne aura dû se déplacer, par exemple, en voiture ou en autobus, donc utiliser du pétrole. Les produits, les outils de travail qu'elle utilise auront été aussi transportés par bateau, par train, par camion, etc. Ils utilisent eux aussi du pétrole. Donc, peu importe qu'on consomme, il y a toujours du pétrole qui intervient. C'est pour ça qu'on appelle le pétrole, les économistes appellent le pétrole un super intrant. Un hyper intrant? Un super intrant. Un super intrant, OK. Parmi tous les intrants, donc les matières premières qui sont nécessaires à produire les biens et les services, donc je ne sais pas moi si c'est une bibliothèque, si vous avez besoin de bois, il y a donc une multitude de produits et de services qui rentrent dans la production d'autres biens et services, mais le pétrole est toujours présent. Oui, sans compter, Yannick, c'est Michel ici, sans compter que le plastique et le pétrole sont étroitement associés. Bien, absolument, le plastique, c'est du pétrole. Oui. Et donc, peu importe à quoi on pense, que ce soit un bouquet de fleurs qu'on achète à notre amoureux, que ce soit le service d'impôt qu'on doit faire présentement de notre comptable, que ce soit un vêtement, etc., il y a toujours du pétrole en train de faire. Or, quel problème? C'est que d'ici 15 à 25 ans, à peu près, on aura probablement épuisé nos réserves de pétrole. Est-ce que c'est dans 15, 25 ans? C'est dans 50 parce que on va découvrir d'autres manières de l'utiliser plus efficace, etc.? Peut-être. Mais il est clair qu'il y a un jour où il y en aura plus de pétrole. Une ressource non renouvelable, comme on dit. Donc, il est nécessaire, dès maintenant, de réfléchir à comment on va être capable d'organiser notre vie en société, notre vie économique, sans ce pétrole-là. C'est encore Michel Yannick. J'imagine qu'il y a certaines solutions qui ont déjà commencé à poindre. Ah, mais cette réalité-là, elle a frappé les esprits scientifiques il y a déjà longtemps. Hein. On peut remonter au fameux rapport « Les limites à la croissance » du Club de Rome de 1972, où déjà on annonçait cette date pacifique de 2030, ça qui peut varier sur des raisons technologiques, mais c'est pas qu'il y allait avoir un jour une fin à l'ère du pétrole. Donc, ça fait longtemps que des scientifiques, des penseurs, des politiciens, etc., réfléchissent à la pétrole. On comprend que là, le problème est immense. Comme j'ai dit, le pétrole entre dans toute la production économique que nous connaissons. Alors, à partir du moment où on imagine, là, c'est demain matin, bon, c'est dimanche demain, puis c'est pas le campus, mettons mardi matin. Mardi matin, il n'y a plus de pétrole. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, la machine s'enraye complètement. Alors, il faut trouver des solutions concrètes et immédiates dès maintenant pour prévenir cette situation-là. Alors, quelles elles sont? Bien évidemment, c'est d'abord l'utilisation d'énergie alternative. On est les champions du monde au Québec d'énergie non pétrolifère ou même qui ne repose pas sur les énergies fossiles, pas du pétrole ou du gaz. Grâce à l'hydroélectricité, que certains disent qui n'est pas si renouvelable et si écologique que ça, étant donné les conséquences quand on fait des gros barrages, comme celui de la Romaine, par exemple, ou celui des Trois Gorges en Chine. Tout à fait. C'est un problème complexe. Il y a considérer la part de responsabilité de chaque individu dans les émissions de gaz à effet de serre comparé dans chaque pays. Puis les Québécois sont assez consommateurs d'énergie, là, assez énergivore. Là. Je pense qu'on consomme l'équivalent de, comme un peu moins que les Américains, donc l'équivalent de 8 planètes. Là. Oui, en fait, il y a là deux problèmes que vous trouvez. C'est-à-dire que l'hydroélectricité, premièrement, produit des gaz à effet de serre, et ça peut paraître étonnant, mais la décomposition dans les très grands bassins créés par les barrages, donc la décomposition des arbres, des végétaux, qui était là au préalable, qui est du méthane, qui est un gaz à effet de serre le plus puissant, en quelque sorte. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème économique. C'est comme l'hydroélectricité, pour des raisons à la fois économiques, technologiques, mais aussi politiques, coûte un peu cher au Québec, mais on garde les lumières allumées, qu'on s'en rend même pas compte. Hein. Donc, on utilise l'électricité de façon abusive parce qu'elle comparativement à l'utilisation du pétrole, l'impact écologique est beaucoup moindre. Hein. Il y aura toujours un impact écologique. Dès qu'on respire, dès qu'on vit, on a un impact écologique. Donc, il faut voir comment, avec l'énergie hydroélectrique, l'énergie solaire, marémotrice, éolienne, avec tout avec tout l'impact écologique que ça peut avoir quand même, comment ces énergies-là pourraient remplacer le pétrole. Et là, c'est gigantesque. Par exemple, on parle beaucoup d'électrification des transports. On a parlé dans la campagne électorale, à la fois le Parti québécois et Québec solidaire sont des promoteurs de ce sujet-là. Or, le transport en commun, c'est de ça dont on parle pas des voitures pas de monsieur et madame tout le monde pour l'instant, là, c'est une étape. Ça ne représente que, de mémoire, 1% de l'émission des gaz à effet de serre. C'est très, très, très faible. Donc, c'est pas en électrifiant les autobus de toutes les villes du Québec qui ont un transport en commun qu'on va changer grand-chose écologiquement. Donc, c'est plutôt le transport des marchandises, non? Pardon? C'est plutôt le transport des marchandises exactement. Qui émet des gaz à effet de serre. Exactement. Donc, un des gros impacts sur le gaz, une des grandes causes de l'émission de gaz à effet de serre, c'est le transport des marchandises. Et au premier chef, étonnamment, c'est quoi? C'est les bateaux. Pour la même quantité de marchandises transportées. Ce sont les bateaux par container qui produisent le plus de pollution, le plus de gaz à effet de serre. Beaucoup plus que les camions ou les trains. Autrement dit, c'est possible que faire venir des marchandises par camion de Californie, comme beaucoup de fruits et légumes que nous consommons, ait un impact beaucoup moindre que de faire venir des t-shirts et des pantalons de Bangladesh de Chine par bateau. Mm-hmm. Alors, vous voyez, c'est très complexe, évidemment. Ça nous dépasse en quelque sorte parce que nous-mêmes, juste comme société, là, on ne parle même pas comme individu, mais comme société au Québec ou au Canada, comment changer quelque chose qui est littéralement global, qui est mondial, évidemment, pour se lever de bonheur. Alors, les solutions sont pas simples, ça c'est clair. Mais on commence par quoi, M. Mercil, quand on est un citoyen qui... c'est des choses dont on parle depuis plusieurs années déjà, donc les solutions pour réduire les gaz à effet de serre. C'est pour ça aussi que les pays se sont engagés à prendre des mesures pour favoriser certaines énergies par rapport à d'autres. Les résultats sont mitigés. Là, on ne peut pas donner d'exemple au Canada. Pouvez-vous nous donner un exemple de politique qui a fonctionné pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada? Non. Non, c'est ça. OK, je ne suis pas trop pessimiste en disant ça. Donc, est-ce qu'il y a des solutions applicables pour les citoyens concrètement, comme par exemple les sacs de plastique? Donc, je sais que dans les épiceries maintenant, on va charger 5 sous là, pour un sac d'épicerie en plastique qui va probablement... Il y a des efforts aussi qui sont faits pour que les sacs soient biodégradables, mais ça m'est encore arrivé d'aller dans un Jean Coutu, je pense. J'ai demandé à un commis si les sacs étaient biodégradables, puis il ne savait pas, il ne s'était jamais fait poser la question. Donc, on est encore vraiment loin des gestes quotidiens concrets. C'est encore marginal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Et c'est là le défi. C'est-à-dire que là, vous parlez d'une petite chose qui est les sacs de plastique. Je ne sais pas que ce n'est pas important. On s'entend que c'est les gouttes dans l'océan de trop faire. Sans faire de jeu de mots, oui. Pardon? Sans faire de jeu de mots, parce qu'on parlait de l'ère du plastique juste avant. Oui, exactement, dans le fameux continent de plastique, dans le plastique. Mais l'idée étant, moi, je pense que la première étape qu'on ne fait pas suffisamment, c'est l'information. C'est-à-dire de documenter que chacun de nos gestes de consommation a comme impact utilise comme pétrole. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui, vraiment de bonne foi, vont dire, je vais consommer local, hein, ou de proximité, parce que là, évidemment, il y a moins de transport, il y a moins de... Donc, il y aurait théoriquement moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'utilisation de pétrole. Or, ça n'est pas nécessairement le cas. Je prends l'exemple caricatural un peu, mais du producteur maraîcher. Moi, je suis à Montréal. Donc, mettons, là, de la Montérégie, là, du coin de Granby, disons, ou de Rougemont. Pierre-Même, sont des sacs de patates, de carottes, etc., à Montréal, au marché Jean-Talon. C'est la même chose dans votre coin de pays, là, le Port-Neuf, jusqu'au centre de la ville de Québec. Mais son petit camion, qui peut être un peu racicolé, peut-être qu'il produit beaucoup plus de gaz à effet de serre par unité consommée, c'est beaucoup plus de pétrole que le gros conteneur de patates qui arrive de l'Idaho. Alors, vous voyez, la solution n'est pas simple. Il faut d'abord documenter, et là, il y a peut-être un effort individuel à s'informer, mais aussi des collectifs. C'est vrai que l'État aurait peut-être la responsabilité de nous dire d'étiqueter. Voici l'utilisation de pétrole qui est faite pour le produit que vous achetez. Question que vous l'achetez avec intelligence. Hein. On a une étiquette déjà sur les produits qui nous dit combien ça contient de colorants, de sucre, de sel, etc. Peut-être que l'apport de pétrole contenu nécessaire à la production de ce produit-là nous aiderait, nous, comme consommateurs, à prendre des meilleurs choix. Je pense qu'on en est encore là à mieux savoir, connaître l'usage qu'on fait du pétrole pour pouvoir changer nos modes de consommation. Donc, Yannick, c'est Michel ici. À l'ère d'Internet, on pourrait faire même un effort collectif pour documenter tout ça. On pourrait imaginer. Hein? On pourrait imaginer. Modèle, oui. Sans attendre. Un modèle collaboratif de type Wikipédia. Oui. Oui. Serait absolument 100% en faveur de ce genre d'initiative-là. Oui, l'idée est lancée. L'idée est lancée, Michel. Je pense qu'elle va faire son chemin. Oui. Et voilà. Donc, si on résume, M. Marcel, ce que vous proposez, ou ce que vous avez soulevé comme problématique, c'est qu'il faut faire des analyses pour savoir exactement combien d'émissions de gaz à effet de serre sont produites par les différents modes de transport, les différentes marchandises, aux différents endroits, différents types d'achats. Donc, ça prend une étude faite sur tout le territoire. Et puis, donc ça, ce serait plutôt l'État qui aurait peut-être les moyens de faire ce genre d'études-là. Mais finalement, un étiquetage des émissions de GES par produit peut aussi être fait par les marchands ou par des initiatives citoyennes, ce que Michel soulevait. Là. Est-ce que ça résume bien votre propos? Absolument, et je pense qu'on est rendu là et qu'il y a surtout urgence à le faire. Ça, je suis d'accord avec vous, Monsieur Marcel. Donc, merci beaucoup. C'était tout le temps qu'on avait. En fait, c'est déjà terminé. Oui, c'est la dernière, Yannick, c'est la dernière cette année, parce qu'en mai, il y a une émission spéciale de CKRL, donc on n'aura pas de chronique des utopies concrètes en mai. Mais moi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette série. Ça a été fort intéressant. D'ailleurs, les gens peuvent la retrouver au complet sur le site, sur le blog d'Attaque de l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Le Grain de Sable QC.web. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de faire cette série-là. et on se reprendra dans un autre univers. Très certainement. Ah, sûrement, sûrement. Bon été. Au revoir. Pareillement, au plaisir. Oui, l'été va finir par arriver. Oui. On va se le souhaiter, il va arriver. Au revoir. Merci, au revoir.